l'amour dans les essais. On lui reproche aussi la liberté de son propos contre le cérémonial de la bienséance. Mais en disant cela, il s'est vengé lui-même et a évité aux autres d'avoir à le faire. Aussi n'oserions-nous dire si nous pensons ou non qu'un homme soit plus habile pour parler de la pratique de l'amour, légitime, honnête et sacré, et de sa théorie horrible et critiquable. Et nous leur accordons enfin qu'il soit méchant, exécrable et condamnable d'oser préférer la langue ou l'oreille à l'expression de ce sujet. Mais qu'il soit impudique, nous le nions. Car outre que ce livre proscrit fort bien le concubinage que les lois de la cérémonie attribuent à Vénus, de quelque pudicité, je vous prie, font preuve ces auteurs qui vont vantant si haut la force et la grâce des effets de Cupidon, quand ils veulent faire croire à la jeunesse qu'on ne peut même pas en entendre seulement parler sans en être bouleversé. S'ils en parlent à des femmes, n'ont-elles pas raison de mettre en garde leur abstinence contre un pécheur qui soutient qu'on ne peut pas entendre parler de la table sans rompre son jeûne? En quoi Socrate, qui faisait preuve de continence envers cette belle et brillante flamme de l'amour, et dont la Grèce, à ce qu'on disait, n'eût pu en produire deux semblables, en quoi faisait-il alors moins preuve de chasteté parce qu'il avait vu, entendu et touché que Timon se promenant seul dans un désert? Livia, selon l'opinion des sages, parlait comme une grande et intelligente dame qu'elle était, quand elle disait qu'à une femme chaste, un homme nu n'est rien d'autre qu'une image. Elle pensait qu'il faut que le monde bannisse complètement l'amour et chasse sa mère, Vénus, hors de ses limites, ou que, si on les y retient, ce n'est que tromperie et tricherie de faire la chaste pour les contenir par la langue, les yeux et les oreilles, voire simple boniment pour ceux-même qui n'en ont pas l'usage. Et cela d'autant plus que, si dire ce qu'on entend et que l'on voit n'est rien, ils avouent qu'ils y prennent part aussi, au moins de façon présomptive, par le mariage. Peut-être Livia eût-elle dit aussi volontiers que celles qui crient qu'on les viole par les oreilles ou par les yeux le font à dessein, afin de pouvoir prétendre ensuite que c'est par ignorance qu'elles se sont mal protégées ailleurs. L'attitude la plus légitime en la matière, c'est de craindre qu'on ne les tente par là, justement. Mais elles doivent se sentir honteuses d'avoir à confesser qu'elles ne se sentent sûres d'elles-mêmes que jusqu'à l'épreuve de vérité, et pudiques que parce qu'elles ignorent ce que l'impudicité voudrait qu'elles fassent. L'assaut présente un risque pour le combattant, mais c'est aussi un triomphe pour le vainqueur. Toute vertu a besoin de l'épreuve, comme si elle tenait son essence de cette confrontation. Le pire des malheurs pour Polydamas et Théogène, c'est de ne rencontrer personne qui puisse envier, qui la force de l'un à la palestre, qui la vitesse à la course de l'autre, afin de leur dresser un trophée. Par ambition de montrer sa vertu, une femme sage ne se contente pas de fuir les avances, mais par une juste connaissance de la faiblesse de la nature humaine, elle les attire, car elle ne s'assure de sa continence que si elle a pu dire non à la richesse, à la beauté, aux grâces et à ses propres désirs. Qu'elle laisse parler le poursuivant à l'oreille, se plaindre, prier, crier, le sérieux qui l'arme contre les fausses persuasions, ce vice ridicule et sot de la croyance superficielle et des erreurs à l'encontre de la religion de ses pères, la défendra encore contre ses entreprises. Quant à l'obscurité que l'on reproche à nos essais, je n'en dirai qu'un mot. Puisque la matière n'en est pas destinée aux novices, il suffisait que le style en fût simplement adapté à la portée du propos. On ne peut traiter les grandes choses en fonction de l'intelligence des gens ordinaires, car la compréhension des hommes ne dépasse guère le niveau de leur imagination. Il ne s'agit pas ici de rudiments pour apprentis, mais de l'Alcoran des maîtres, de la quintessence de la philosophie. Ce n'est pas une œuvre qui doive enfler, mais être digérée, assimilée. C'est le dernier livre que l'on doit prendre et le dernier que l'on doit quitter. Ils en ont après ces discours morcelés, excessifs, et qui ne traitent pas forcément un point en entier, et je sens bien qu'on va me mettre de sa partie dans ce florilège de rêveries diverses. Je les prie donc de faire une liste à leur gré, d'autant d'autres sujets que les essais en comprennent, et qu'ils disent sur chacun, en suivant cet exemple, non pas un peu, mais un seul mot, pourvu que ce soit toujours le mieux qui puisse être dit à ce propos, comme mon père l'a fait. Et alors, je leur promets que non seulement je leur pardonnerai, mais que je les considérerai comme des maîtres, comme Socrate le fut pour les anciens. La religion des essais. Ceux qui prétendent mettre en doute sa foi, pour avoir avec tant de mérite fait figurer un hérétique au rang des meilleurs poètes de notre temps, ou à propos de quelque autre point mineur, ne font que prouver qu'ils cherchent à trouver des compagnons à leur propre débauche en la matière. Moi seul ai le droit d'en parler, car moi seul avais une parfaite connaissance de ce grand esprit. Il faut me croire de bonne foi, même si ce livre ne le montre pas clairement, car j'ai quitté ces vertus magnifiques, pompeuses et plaisantes dont tout le monde se vante, afin de mériter le reproche de niaiserie de la part de mes compagnes et de n'avoir rien d'autre en partage que l'innocence et la sincérité. Je dis donc, et c'est l'entière vérité, que jamais homme ne voulut plus de mal aux mauvaises et fausses religions que lui, et qu'il n'en fut jamais un plus ennemi de tout ce qui blessait le respect dû à la vraie. Et la preuve de celle-ci, c'était pour lui, comme les essais le déclarent, et pour moi sa créature, la sainte loi des pères. Qui donc pourrait supporter ces titans escaladeurs du ciel, qui pensent parvenir à Dieu par leurs propres moyens, et enfermer ses œuvres dans les limites de leur raison? Nous disons au contraire que ce sont les choses les plus incroyables qui manifestent le plus sûrement l'œuvre de Dieu, et que ce Dieu n'est ici ou là que s'il y a miracle. C'est ici surtout qu'il faut l'écouter avec soin et se garder de se cabrer devant cette façon libre, brusque et nonchalante, et parfois même, il me semble modeste, d'attiser un calomniateur. De façon que, étant déjà un méchant homme et donc odieux, il se montre aussi comme un sot par son interprétation biscornue et que nous ayons donc le plaisir de le voir accablé de devises. M'amuserai-je à préciser quelques règles pour se diriger en cette lecture ? Un seul mot suffira. Ne t'en mêle pas, ou tiens-toi tranquille. Je rends grâces à Dieu que dans la confusion de tant de croyances effrénées qui traversent et bouleversent son Église, il lui ait plu de l'étayer d'un pilier aussi ferme et aussi puissant. Pour fortifier la foi des simples contre de tels assauts, il a pensé ne pas pouvoir mieux faire que de produire une âme telle qu'il n'y en eut pas de semblable depuis 1400 ou 1500 ans, et qu'il la garantisse par son approbation. Si la religion catholique, à la naissance de cet enfant, avait su combien il serait un jour illustre, quelle crainte elle aurait eue de l'avoir pour adversaire, et quels vœux n'aurait-elle pas formé pour qu'il devint un de ses défenseurs? Il s'agissait là de son intérêt bien compris, alors que Dieu, lui, délibérait pour savoir s'il donnerait un si digne présent à un siècle si indigne, ou si, en lui fournissant par bonté un tel exemple, il l'inciterait à s'améliorer. Personne n'aurait pensé qu'il y eût quelque faute dans les nouvelles religions si le grand Montaigne les eût admises, même parmi ceux qui auraient pu s'en rendre compte. Il n'aurait eu aucune honte à commettre cette erreur après lui. Et il a rendu vraie sa proposition selon laquelle les bons croyants se trouvent à la fois chez les grands esprits et chez les esprits simples comme le mien, et que les gens de bien sont à ces deux extrémités. L'intelligence des essais. Je suis de ceux qui pensent que le vice procède de la sottise, et que par conséquent, plus on se rapproche de l'intelligence, plus on s'éloigne de lui. Quelle tête bien faite ne confierait à Platon sa bourse et son secret, pour peu qu'elle ait lu ses livres? C'est pourquoi j'ai méprisé le reproche d'imprudence et d'extravagance qu'on m'adressait lorsque j'éprouvais de l'affection pour lui d'après ses essais, avant même de l'avoir vu et fréquenté. Toute amitié, disais-je, est mal fondée si elle ne l'est sur l'intelligence et la vertu du sujet. Or, dans ce livre, l'intelligence non seulement se montre, mais elle se montre d'une telle façon que le vice ne peut y avoir sa place. Et par conséquent, il ne servirait à rien de différer son affection jusqu'à l'entrevue, sauf à celui qui rechercherait l'amour et non l'amitié, ou qui aurait honte que l'on dise de lui que sa raison a plus de force que ses sens pour nouer une relation, et qu'il pourrait y parvenir les yeux fermés. Nous trouvons chez tous les philosophes antiques des témoignages du fait que leur vertu était à la mesure de leur intelligence, grâce à laquelle ils se survivent à eux-mêmes, et constituent, après tant de siècles, des lois pour l'univers. Nous les trouvons soit dans leurs livres, soit pour ceux dont le temps nous en a privés, dans les relations de leurs compagnons. Je fais une exception pour César seulement, dans toute la descendance des muses, pour son esprit aussi fort que dévoyé. Je sais bien qu'on me demandera si parmi ces grands hommes, il y en a qui n'aient pas choisi la carrière des lettres. Répondons. La nature, qui déteste l'inutilité, rejette l'oisiveté de ces éléments, et ne peut même pas les laisser s'attarder sur un travail qui ne les mène pas au bout de leurs possibilités. Essayez donc d'interdire, par exemple, au vigoureux Milon, les exercices corporels les plus extrêmes, ou au léger Achille de faire preuve d'allégresse. Cela étant, il faut examiner si, en dehors des lettres, comme il nommait la philosophie, il n'y aurait pas quelque activité qui puisse occuper tout entier l'esprit de Socrate et d'Épaminondas. Un jugement lors d'un procès, l'étude des formes de la cour du roi des Perses, la guerre, le soin de l'État, voilà de bien belles choses. Qui voudra les considérer de près trouvera facilement, il me semble, qu'après que de tels esprits auront rempli tous les devoirs de ces charges, il leur restera encore bien du temps libre, et demeureront inoccupés en temps de guerre, puisqu'Agamemnon pouvait la soutenir à lui seul, de même pour le gouvernement de l'État où Priam pouvait exceller. Les gens ont tort de s'imaginer qu'un homme perd son innocence dès lors qu'il l'imagine plein de capacité et quand ils disent que les plus habiles sont les plus méchants, parce qu'ils voient les généraux et les hommes politiques les plus en vue, ou encore les plus réputés des astrologues, des logiciens, des brigands et des danseurs, se comporter ainsi. Nous croyons que ces esprits sont les plus élevés parce que nous ne parvenons pas à voir plus haut qu'eux, comme ce paysan qui n'avait jamais vu la mer et qui croyait que chaque rivière fut l'océan. C'est fixer trop près les bornes de la connaissance. Pour accomplir ces fonctions-là, il faut certainement être un homme habile. Mais pour être un homme vraiment parfait, il en faut encore plus, avoir le sens du bien et du mal, ne pas être soumis à la tyrannie des habitudes, posséder l'art d'apprécier l'exacte étendue de notre clairvoyance, savoir modérer sa curiosité, ne pas céder aux tendances vicieuses, faire plier ses forces sous le joug de la liberté d'autrui, savoir où la vengeance est licite et jusqu'où la gratitude peut suffire. Jusqu'à quel prix on peut acheter l'approbation du public et bien juger des actions humaines, savoir quand il faut croire et quand il faut douter, aimer et haïr à juste titre, reconnaître ce qu'autrui nous doit et ce que nous lui devons, et tant d'autres cas dans lesquels il faut diriger sa vie comme elle doit l'être. C'est une toute autre tâche, bien plus lourde et plus difficile. L'oreille n'est qu'une parcelle de nous-mêmes, mais on ne me fera pourtant pas croire que les exploits de Pyrrhus et d'Alexandre exigeaient de leur part autant de force et d'intelligence qu'il en faut pour le bon usage de ce seul organe. Ce n'est déjà pas rien d'empêcher que la calomnie n'y pénètre. Une certaine malignité, lâche et vile, dans l'amour de la médisance, peut lui préparer le chemin, ou bien le plus souvent la simple incapacité à discerner le vrai du faux. Ainsi s'introduisent les fausses nouvelles, parfois si vraisemblables et si largement répandues, les mauvais conseils, les vains espoirs. Veiller à cela n'est pourtant qu'une partie de la tâche dont je ne reparlerai pas, ayant déjà dit ailleurs un mot sur la sotte crédulité. Mais à l'autre bout, qu'y a-t-il ? C'est là que se tient le désaveu de toutes les vertus qui sont hors de notre vue, hors de notre expérience ou de notre portée. L'injure faite à tant de gens d'honneur qui nous rapportent ces histoires. Mépris pernicieux d'avertissement, incrédulité envers les miracles et finalement l'athéisme. C'est une chose étonnante que les hommes ne puissent échapper à un vice que pour tomber en son contraire. Qu'ils n'évitent la flatterie qu'en jetant à chacun sa pierre, ne guérissent du dérèglement des mœurs qu'en tombant dans la servitude et de la gourmandise que par la famine. Et que ceux qui s'estiment assez malins pour savoir jusqu'où peut aller le mensonge ignorent jusqu'où peut aller la vérité. Montaigne, les femmes. Mon sexe ne manque pas de me fournir des exemples contraires à ce que je crois et ce dont je témoigne. Est-ce à tort ou à raison ? Je peux dire que le titre dont je me pars de créature du grand Montaigne en répondra. Car en vérité, à méditer sur celui qui ne sait pas croire, et ne plus croire quand il faut, je suis incapable d'autre chose. Et je ne me fierais pour rien au monde à mon impression, même apparemment si sûre, si une seule fois elle m'avait trompé. Même si je ne m'y sens pas asservi, personne jusqu'ici n'a jamais nié les choses que j'ai clairement vues et entendues sans me faire douter de mon savoir et me faire rechercher une vérification nouvelle. Nous procédons aussi avec circonspection pour juger de la pensée des gens. Et s'il est vrai que nous nous y soumettons librement dans les situations où la nécessité l'ordonne, nous ne nous sentirions pas trompés si mal nous en prenait, car avant d'en arriver là, nous avons bien prévu que cela pourrait se produire. On a pu nous trahir, mais non pas nous tromper. Un sage peut bien fréquenter les autres et avoir affaire à eux, mais il ne se fie qu'à peu de gens, car les affaires à traiter sont plus nombreuses que les gens d'honneur. Il est une chose qui me console de ceux qui se sont moqués de mes rapports avec Montaigne ou qui n'ont que mépris pour mon sexe et moi-même. C'est qu'ils se sont irrémédiablement montrés comme des sots en prétendant que Montaigne lui-même l'était parce qu'il m'estimait digne, non pas seulement d'estime, mais d'être admise par un esprit tel que le sien dans la société que nous formions tous deux tant que Dieu l'a permis. Mais nous autres femmes, parce que nous sommes minces et faibles, nous sommes directement la cible du remarquable courage de cette sorte d'hommes. Je leur conseille pourtant, en amis, de ne pas se frotter à ceux qui savent si bien manier la plume. Ceux-là, il faut les tuer avant de les blesser, leur ôter toute force sans attiser leur courage. Si on veut leur prendre quelque chose, il faut commencer par la tête. C'est une sottise que de les outrager en leur laissant le jardin où croissent les fantasmes de la vengeance. Offenser un bel esprit, c'est se préparer consciencieusement à se repentir de sa faute. On sait combien il en coûta à Minos d'avoir excité la verve de ces beaux parleurs d'Athéniens. Nous autres pauvres femmes ne les menacerons jamais sur ce terrain, car ils font en sorte que le plus haut niveau auquel nous puissions parvenir, ce soit de ressembler à l'homme le plus médiocre. Et quoi ? Nos petits faiseurs d'invectives et de libelles, eux-mêmes, ont espéré maîtriser le monde par ses armes. Mais ils se trompent. Une invective sans vie ne peut atteindre son but, et elle ne peut vivre que si elle est décochée dans une langue extrêmement vive et admirable, et tirée d'un bon livre. Il y a moins d'intérêt pour eux à cracher sur le nom que sur la robe, et à parler s'ils ne sont près de nous. Si le roi de Crète n'avait pas eu d'autres ennemis qu'eux, nous lui aurions épargné d'être juge des lutins et des ombres damnées. Une personne de mérite et de valeur ne craint point les invectives, car elle sait qu'un homme habile et bien élevé ne l'attaquera pas, et que si l'un de ces faibles et brouillons personnages s'en prend à elle, il lui arrivera la même chose qu'à l'abeille qui laisse son aiguillon dans la plaie, et ainsi fera voir au monde ce dont on pouvait douter jusque-là. Que cette mauvaise intention ne peut être que celle d'un fat. Mais après tout, comment un esprit solide ne pourrait-il triompher de son ennemi, quand même les douces et délicates fillettes savent aussi se venger? Mais ces vengeances sont d'autant moins dures que celles de ces écrivailleurs qu'elles sont moins acérées, et qu'elles sont exécutées en réparation d'offenses, non pour donner la pépite aux grenouilles, à force de crier miracle devant leur savoir, comme les autres le font. Ce sont des vengeances tendres et douces comme elles. Ainsi, dans cette célèbre histoire, quelques-unes, en Picardie, étaient agacées par l'attitude d'une autre pour qui de sottes gens comme nous ne comptaient vraiment pas. Faisant mine de vouloir danser avec elles devant une grande assemblée, elles se contentèrent, pour contenter leur cœur, de se retenir au premier son des violons, la laissant se mettre seule en mouvement. De si belle taille pourtant, de vaillance, belle et remarquée de tous, mais presque défunte, car on voyait bien de loin l'allure de sa comédie à un seul personnage. Et les filles, de rire. Et pour reprendre maintenant le fil de mon propos concernant les étourdis rieurs, quelqu'un que la fortune avait comblé se vantait d'attribuer à une certaine personne des avantages tels qu'il eût fallu être bien sot et téméraire pour les nier ou en douter, comme par exemple le gouvernement d'une de nos grandes villes ou à grade honorable et autres charges publiques. Il disait ensuite à celui qui l'avait dupé, en riant beaucoup, qu'il l'avait cru simplement parce qu'il le lui avait dit. Et ce, alors qu'il n'en savait rien, qu'il n'était pas sincère. Quelle garantie de vérité ne tirait-il pas de son expérience pour croire qu'en quelque lieu que ce soit, on soit obligé ou de venir lui faire hommage, ou par ambition, se montrer à lui en premier. pensée qu'on aurait pu le croire à propos de choses douteuses et secrètes, puisqu'il savait nous informer ainsi des plus communes affaires. Et engager une armée dans n'importe quel pays, sous l'égide de quelqu'un qui pouvait faussement jurer aussi bien de ses forces, armes, soldats, munitions, itinéraires, courage, discipline, que de la conduite du gouverneur qui la commanderait. Qu'il se souvienne donc de ce qui lui coûta un jour à force de laisser libre cours à sa vanité, de n'avoir pas voulu croire que ses ennemis bien équipés, bien nés et courageux, puissent avoir la hardiesse de l'attaquer. Et comment il provoqua ainsi un désastre dans son camp, dès le début, par sa défaite. Ou encore, comment, au contraire, il se rend ridicule en prêtant l'oreille à tout moment et avec une étonnante versatilité à toutes les histoires qu'on lui raconte, pourvu qu'elles blessent quelqu'un. Et à mille nouvelles mensongères auxquelles il croit et qu'il répand lui-même par la seule raison qu'on le lui a dit, raison qu'il critique justement chez les autres. Celui qui fait à un autre la réputation d'être quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit, en sachant pertinemment qu'il n'est pas ce genre de gros et balourd animal, c'est qu'il en est un lui-même, dans la mesure où il ne sait pas discerner à quel point une telle crédulité ne saurait être compatible avec une seule once de bon sens. J'aimerais bien qu'on ne puisse trouver des gens dont la profession est des plus sérieuses et qui pourtant sont corrompus par un semblable mélange de dispositions pernicieuses. Après avoir 10 fois cru et prétendu à tort que telle ou telle ville serait prise, ils s'imaginent volontiers redonner du poids à leur dire en se moquant de quelque histoire, ni tellement étonnante, ni tellement rare pourtant, que quelqu'un d'entre nous, pauvret, aurait pu rapporter de 50 lieues de là peut-être. Comme si l'on se guérissait d'être fat en se faisant injurieux, et comme s'il y avait moins d'ineptie à admettre un faux démenti qu'une fausse nouvelle, et croire à la légère ce qui vient de soi plutôt que ce qui vient d'autrui. Supposons que nous puissions être sots au point qu'il y ait quelque vérité dans les reproches qu'on nous ferait à propos de nos dires. Notre sottise ne serait pas plus grande d'avoir cru cela, parce que nous l'aurions entendu dire, que la leur de l'avoir nié, parce qu'il n'en savait rien. Est-il si important d'accepter de la sorte les histoires obscures, celles qui sont surprenantes et même monstrueuses? Je ne les rejette pas comme fausses, mais je me refuse à leur accorder foi, car ce ne sont pas des choses prouvées.